Salut mon vieux, tu me reconnais? Exilé à la campagne, j'ai foiré ma life. Perdu ma gosse, fait du car, plein le rap, ma foire et ma race. Zombie, c'est même plus moi quand je me regarde dans la glace. Je vis seul dans une cabane là où je parle à mon flash. Je jouais au golf entre caillou et bouse de vache. Quand je vis ce cab rouge piloté par une bombe de black. Talon cuisse, robe moulante rouge glace. Elle me demande c'est toi ou le quin et le rappeur là des as. Je lui dis, je m'étais rangé que j'avais enterré mon mic. Elle me sort une enveloppe de dollars, elle me dit que son boss veut qu'on jacque. Donc je me vois là dans une affaire louche et pleine d'angoisse. À table avec le boss, pas trop d'une putain de bête de boîte. J'ai le gars me demande que tu écrives un texte de rap. J'ai une minute, une bitch qui me suce et un gorille qui me braque. Sous la pression, un texte de ouf, je le gratte. Une scène qui m'éclate, est-ce que t'as reconnu cette scène de pantin? Moi j'aime les guns, les courses poursuites dans la ville. Explosion, rafale de balles, tu vois les putains trucs de pantin. Quand tu crois connaître le tueur, c'était pas lui mais c'était l'autre. Le suspense qui donne un putain truc de pantin. Y'a que dans les films que j'aime les keufs. Quand ils veulent venger leur coéquipier buté par une caille, un truc de pantin. Après que j'ai apprécié un film, je m'estoppe et je rembobine. Et je me dis merde, putain quel film de pantin. J'étais avec mon pote Black Vénère, on avait soif. C'était l'été en galéré, il était 2 ou 3 heures du mat. Enfile à l'épicerie du coin, direct face, et prendre un truc frais à boire et à la caisse, c'était un ouache. Dis qu'il veut pas d'histoire, prenez et payez cash. Mon pote et moi, on t'est ma chelou attitude dans la démarche. Chien. Sa femme nous suivait, voulait pas nous lâcher la grappe. Me souviens plus de ce que j'ai pris, un Sprite ou un Sunny Delight. J'avais trop soif, commence à boire, le gars il claque. Pète des plombs, parle dans sa barbe, il m'injure, il est black. Pas de dick, on la joue fine et on s'arrache. On passe à la caisse, reste pépère et on peut cash. Et on part, devine ce que me dit ce fils de lâche. Je veux dire que je plains ta mère. Alors c'était parti pour un clash. J'ai pris le gun, j'ai d'être les deux comme un papa. Qu'est-ce que t'as dit sur ma mère? Allez-vous-en, je ne veux pas que toi. Putain, quelle scène de pantin. Moi j'aime les guns, les courses poursuites dans la ville. Explosion, rafale de balles, tu vois les putains trucs de pantin. Quand tu crois connaître le tueur, c'était pas lui mais c'était l'autre. Le suspense qui donne un putain truc de pantin. Y'a que dans les films que j'aime les keufs. Quand ils veulent venger leur coéquipier buté par une caille, un truc de pantin. Après que j'ai apprécié un film, je m'estoppe et je rembobine. Et je me dis merde, putain quel film de pantin. Dans cette scène, je suis un boxeur avec un punch underground. On veut me graisser la patte, donc il faut que je tombe au cinquième round. Je fais le deal avec un guide, le genre qui blague pas. Il me refile mon enveloppe, il me précise mec, ne te rate pas. Je m'en bats les noms, en vrai j'ai tout misé sur WAM. J'ai gagné une file dans un motel où m'attendait ma femme. Donc je vérifie s'il a tout pris qu'on puisse quitter la ville. La conne a oublié la montre de mon père, fait tout partir en vrille. Elle me tient trop à cœur, je vais la chercher même si c'est risqué. Je la récupère, mais manque de bol, comment t'expliquer? Enfin bref, je retrouve en face du guide qui m'avait graissé la batte. On shoot, on stab, fini KO dans les vapes. On se réveille, chacun une boule de billard dans la bouche. En face de nous, y'avait deux types, des super bas de louche. Le Kai, il s'appelait Mars et du soir là. Si tu connais la suite, je sais que ça part en truc de pantin. Moi j'aime les guns, les courses poursuites dans la ville. Explosion, rafale de balles, tu vois les putains trucs de pantin. Quand tu crois connaître le tueur, c'était pas lui mais c'était l'autre. Le suspense qui donne un putain truc de pantin. Y'a que dans les films que j'aime les keufs. Quand ils veulent venger leur coéquipier buté par une caille, un truc de pantin. Après que j'ai apprécié un film, je m'estoppe et je rembobine. Et je me dis merde, putain quel film de pantin. We'll be right back.